bonjour et bienvenue à ce journal. À la présentation, vous êtes avec Odin Daïchimier, François Akimman assure la mise en onde. Au sommaire, 3 ans viennent de s'écouler après l'investiture du président Évariste Ndayishimiye. Le parti CNL trouve que des défis subsistent, tandis que l'UPRONAP apprécie le renouement des relations diplomatiques avec la communauté internationale et la stabilisation de la paix et la sécurité dans le pays. À la page sportive, l'équipe nationale de rugby à 7 cherche à se qualifier pour les Jeux Olympiques France 2024. Parmi les défis à ces préparatifs se trouve l'insuffisance des moyens financiers. Les détails, c'est dans un instant. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 3 ans viennent de s'écouler après l'investiture du président Évariste Ndayishimiye. Parmi les grandes lignes de son discours lors de son investiture le 18 juin 2020, le président de la République s'était engagé à être le garant du bien-être de la population, à ne ménager aucun effort pour créer un environnement idéal pour les investisseurs nationaux et étrangers. Parmi les autres mesures phares annoncées pour l'amélioration des conditions de vie des Burundais, figure la gratuité des soins médicaux pour les retraités, les droits des retraités à une pension équivalente au salaire, ainsi que la construction des logements sociaux à un prix abordable pour les salariés à faible revenu. Le président Évariste Ndayishimiye a également annoncé la pérennisation de la gratuité de l'éducation primaire, des soins de santé maternelle et pour les enfants de moins de 5 ans. Toujours dans le domaine de la santé publique, son Excellence Général-Major s'était engagé à doter de chaque commune du Burundi d'un hôpital digne de ce nom afin de garantir le droit aux soins de santé de tous les citoyens. Et le parti CNL apprécie positivement la volonté du président de la République de protéger la monnaie burundaise. À 3 ans de l'investiture du président Évariste Ndayishimiye, le président du parti CNL trouve cependant que des défis subsistent quant à la vision du président burundais d'améliorer le niveau de vie de la population. Agathon Rwasa fait ainsi allusion à la pénurie de carburant et à la hausse des prix de certains produits de première nécessité. Suivez plutôt Agathon Rwasa, président du parti CNL. Le président du Burundi a promis d'améliorer le niveau de vie des Burundais. Malheureusement, le constat est amer. On est aux antipodes de ce vœu-là ou de cette promesse parce que la chèreté de la vie galope. En témoigne la flambée des prix des produits de première nécessité, que ce soit produit localement ou importé. Et c'est la pénurie quasi quotidienne des produits pétroliers, alors que pour qu'une économie marche, l'énergie doit être disponible et surtout le transport doit être efficient. Et ce qui fait que, au niveau des échanges, ça devient un peu difficile. Je trouve aussi qu'il y va des fois par une simplification vraiment avérée. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de chômeurs, par exemple, alors que les universités produisent des lauréats chaque année et qu'il n'y a pas d'absorption au niveau de l'employabilité, d'autant plus que le secteur privé se recherche toujours, que l'État n'est pas en mesure d'embaucher plus de 2000 personnes par an. Vous comprenez que quand même, ce slogan que chaque poche ait de l'argent et que chaque bouche puisse avoir à manger, c'est vraiment une illusion. Et je me dis donc que comme solution, il faut d'abord qu'on se départisse de cet esprit partisan dans la gestion de la chose publique. Et deuxième chose, qu'on mette en place des mécanismes qui permettent que chacun puisse effectivement être participatif. Une des pistes qui pourrait nous aider à pouvoir quand même arriver à de bons résultats. Renouer les relations diplomatiques avec la communauté internationale, la stabilisation de la paix et la sécurité partout dans le pays sont certaines des grandes réalisations du président de la République Évariste Ndayishimiye dans ses 3 ans au pouvoir. Cela est dit par le président du parti UPRONA à l'occasion du 3e anniversaire de l'investiture du président Évariste Ndayishimiye. Olivier Nkurunziza fait savoir qu'il est difficile de mettre en application le slogan du président selon lequel que toute poche est de l'argent et que toute bouche est à manger du fait que la bonne gouvernance n'est pas bien respectée au Burundi. On l'écoute. Au niveau du parti PRONA, si nous essayons d'évaluer les 3 ans que son Excellence le Président de la République du Burundi vient de passer au pouvoir, ce que nous apprécions, c'est qu'au niveau du territoire de la République du Burundi, il y a la paix et la sécurité est là. Les Burundais peuvent circuler d'une province à une autre, d'une commune à une autre, d'une colline à une autre. Bien sûr, il y a quelques cas isolés déjà qui sont tués, qui doivent être toujours améliorés afin de respecter toujours le respect des droits de l'homme au Burundi. Le président de la République, il a toujours continué à remettre les voix surtout dans le concert des nations, le Burundi, dans la diplomatie. Portes sont ouvertes et le Burundi a été élu à la tête de différentes organisations régionales et internationales et cela c'est à saluer. Et vraiment, nous encourageons qu'aujourd'hui le Burundi est connu comme un pays qui contribue effectivement dans le concert de nations. Autre chose, le slogan, qui est le projet de société que le président de la République a mis en place quand il a annoncé qu'il veut que tout Burundais ait à manger, que tout Burundais ait de l'argent dans la poche, c'est un slogan difficile à mettre en application. Le président de la République a accepté au pouvoir quand le Burundi était un pays, la bonne gouvernance est totalement presque mort, où le pays est corrompu, où les biens publics sont gaspillés comme on veut, mais aussi quand on regarde la justice travailler d'une façon non appréciable. Et voilà, le président de la République, il a accédé au pouvoir. C'était d'abord de faire le combat. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les bonnes jouent un rôle dans l'éducation des enfants qui sont chargés de surveiller. Les propos sont du chargé des projets au sein de l'association des psychologues en action pour le développement de la communauté. Au moment où le 16 juin, le monde célèbre la journée de l'enfant africain, Dr Godelive Nimubona fait savoir que certaines bonnes ont mené une vie difficile dans le passé, raison pour laquelle certaines d'entre elles ne parviennent pas à suivre convenablement l'éducation des enfants. On l'écoute. La situation des enfants est toujours préoccupante et des mesures fortes ont été entreprises pour que l'enfant ait accès à l'éducation et aux soins. Nous voulons apporter notre contribution pour promouvoir les soins des enfants de leur bas âge à travers le renforcement des capacités des assistantes maternelles qui sont parmi les premiers objets d'amour de ces enfants. On peut se demander pourquoi nous voulons renforcer leurs compétences. En Kirundi, on dit « umuntu natangisha dafise ». La plupart d'entre elles ont eu des difficultés de continuer leur vie dans leur famille. Certaines ont des familles démunies qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. D'autres ont perdu leurs parents étant encore jeunes et viennent chercher la vie dans les villes. D'autres encore n'arrivent pas à vivre dans leur famille pour diverses raisons, mais pour la plupart des cas, problématiques. Dans la formation qu'on leur donne, nous renforçons leurs compétences personnelles et professionnelles. Elles doivent apprendre leur rôle, les valeurs et les qualités d'une bonne assistante maternelle, les instances normales de développement de l'enfant et certains comportements inadaptés et troubles que présentent certains enfants et quels comportements adopter face à ces situations. Nous voulons des enfants épanouis, stables, confiants et sûrs. Pour que l'enfant ait un développement normal, il a besoin d'être nourri, d'être aimé, d'être bercé, de ressentir la chaleur de la personne qui lui procure les soins. Ceci lui permet d'avoir une sécurité psychique stable et un épanouissement global. À la page sportive, l'insuffisance des moyens financiers est un défi aux préparatifs de l'équipe nationale de rugby à 7 qui cherche à se qualifier pour les Jeux Olympiques France 2024. Les propos sont d'Albert Avyarimana, président de la Fédération burundaise de rugby, une semaine avant que cette équipe arrive en île Maurice où se joueront les matchs de pré-qualification. Thierry Lajoreski, l'entraîneur français qui accompagne cette équipe dans ses préparatifs, tranquillise Omer Douayo. Ces préparatifs ont débuté en mi-mars cette année et près de 15 joueurs, supervisés par Boniface Mukulu, entraîneur burundais, assisté par Thierry, de nationalité française, expert en rugby, sont sélectionnés. Nonobstant, le manque de moyens financiers est un défi majeur, explique Albert Ravyarimana, président de la Fédération burundaise de rugby. Jusqu'à maintenant, je dirais que les préparatifs se passent bien, malgré quelques petites difficultés liées aux moyens financiers. Sinon, au niveau technique, au niveau logistique, on a essayé de courir à gauche, à droite, et je dirais que jusqu'à maintenant, grâce à des gens qui nous soutiennent, grâce à des ONG qui nous soutiennent, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. De son côté, Thierry, l'entraîneur français, trouve que le manque des matchs amicaux pour cette équipe qui va représenter le Burundi dans les tournois internationaux est une entrave, mais tranquille, qu'il y a une possibilité de toujours faire mieux. On va débuter la compétition directement, sans avoir fait de match avant. Ça, c'est dur. Et ça va être l'inconnu. Mais je joue. Je pense que, vu la volonté qu'ont vos joueurs, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour les motiver. Mais c'est vrai que ça aurait été quand même mieux qu'il y ait un tournoi d'expérience avant d'aller vraiment jouer la qualification olympique. Les préqualifications aux Jeux olympiques France 2024 sont programmés du 22 au 28 courant en île Maurice et le Burundi se retrouve dans la poule composée de Nigeria, la République démocratique du Congo et le Ghana. Actualité internationale. Les Maliens sont appelés aux urnes pour le référendum sur la nouvelle constitution ce dimanche. Les électeurs sont appelés à se prononcer pour ou contre une nouvelle constitution. La Radio France Internationale écrit que c'est la première étape d'importance qui doit mener à la fin de la transition prévue pour février prochain. La constitution actuellement en vigueur date de 1992 et a résisté à plusieurs tentatives de modification. Ces élections sont organisées par les militaires depuis le coup d'État qui a renversé le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, en août 2020. Plusieurs défis sont à relever et notamment l'organisation du scrutin référendaire sur tout le territoire national. Les mouvements armés impliqués dans un processus de paix ont rejeté le projet de nouvelle constitution. Plus de 8 millions d'électeurs sont appelés à voter. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Odendaï Chimillé, François Akiman a assuré la mise en onde. Bonne suite des programmes avec la radio Isanganiro.